Voici un commentaire de l'Agence télégraphique centrale de Corée, Nature, du mise à prix. En voici le résumé. Ces derniers jours, le département d'État américain a publié un concours pour prix sur les droits de l'homme, la reproche de la responsabilité et l'approche d'information contre la République populaire démocratique de Corée, et déclaré y investir des millions de dollars. Le contenu du concours est très désordonné, notamment la radio à l'égard de la Corée du Nord et la fabrication de médias, le recueil des données sur la violation des droits de l'homme et la publication de rapports, l'augmentation de la participation des déserteurs du Nord aux activités pour les droits de l'homme, etc. Les participants aussi sont les résidus humains de tout acabit. Cette farce est une nouvelle invention des conspirateurs américains qui s'évertuent à fabriquer le problème des droits de l'homme en Corée du Nord. Effectivement, la fausseté et la tromperie de la campagne américaine rebattue des droits de l'homme contre la République populaire démocratique de Corée sont déjà dévoilés dans le monde. La position des États-Unis faisant des poubelles pour le prolongement de la campagne conspiratrice est vraiment pitoyable. Il est préférable que les États-Unis s'occupent de leurs affaires.